Depuis tout petit, ça me fait le même effet. Rouge et dur, vert et doux, boue ou sablé. Qu'il pleuve ou qu'il vente, 2 ou 3 degrés, je n'ai qu'une idée de m'en lapiner. Avec les copains, on ne pensait qu'à ça. Quand on était petit, on ne faisait que ça. Avant les filles, après l'école. Et il est toujours là. Cela fait bien longtemps que je le sais. Personne ne pourra jamais les remplacer. Après tant d'années, on s'est si bien marré. Ce sont les amis, la camaraderie. Tu peux me laisser tomber, je ne serai jamais seul. Tu peux me